reviens sur le terre-terre. On arrive avec des rimes qui persévèrent. Ça rend sévère le curton, ça rend sévère les non-gars. On chante même le reggaeton, gars. Dépose, illicos, prestos, ton flingos, yeah. On n'est pas là pour jouer les nervos, yeah. Mais ça m'énerve quand je vois les nerfs. Me mettre les nerfs à feu et à sang, ouais, c'est ce que je ressens. Mais te sens pas visé, écoute juste mon petit couplet. Un couplet sans rancœur, un message qui vient du cœur. Dis-le à ta mère, mais surtout à ta petite sœur. Pixie, c'est le roi des séducteurs, c'est pas un dalleux, c'est un lover. Avec moi, ton cœur va s'ouvrir, telle une fleur. Yeah, yeah, yeah. Je t'avoue, je suis un peu macho, mais je prends soin de ma lady. Écoute, écoute ça. Je la fais visiter, je l'emmène loin sur la banquise. Écoute, écoute ça. Elle se prend pour une marquise, je me prends pour Napoléon. Hey, moi je suis pas le genre de mec qui va te parler de ses conquêtes dominées, de ses années perpètes, de ses soirées branlettes, ses sachets galettes. Mon rap c'est une roquette qui fait vibrer la planète, une grosse baguette qui fait mouiller les soubrettes. De Paris au Koweït, ça t'étonne mec. Vas-y achète mon album, je te donne un bon bec. Pas le genre de lascar à côté des bobards. Tu sors avec moi, tu seras pas déçu. Je te ferai visiter un peu le quartier. Je te raconterai deux trois trucs, deux trois contes qu'on m'a conté. Le soir pour m'endormir, je vais te réveiller ton avenir. Quand ton rap on ose, je suis pas le magicien d'Oz, mais j'ai la dose dans le cosier. Écoute ça, ça va jaser, gazouiller, ça va douiller pour les billets. C'est pour la maille que je défouraille, give me high. C'est DJ Bfix et somebody. Offre-moi juste un week-end, offre-moi juste une semaine. Je te promets pas les mille et une nuits. Je te promets juste une nuit, mais une nuit de lover. Yeah, écoute, écoute ça. Je te promets pas les mille et une nuits. Yeah. Oh, excusez-moi, mademoiselle. Je suis pas le genre de mec qui interpelle. Mais franchement, là, vous êtes trop belle. Voulez-vous m'accompagner? Je vous paye un resto suivi d'un ciné. Ok, t'inquiète, on va bien bouffer. C'est Shikari, mon pote qui tient que gré. Ok, vas-y, tape ton Adana, bouffe ta frite et casse-toi. Vas-y, c'est comme ça que ça se passe. J'ai pas le temps pour les pétasses. Vas-y, on regarde le film en deux spies, on se casse. On va à l'hôtel Ibis se placer. Ok, t'inquiète, j'ai réservé, t'as juste à payer. T'inquiète, avec Fixie, tout est préparé. Quand on arrive, la champagne est déjà sur la table. T'inquiète, l'addition, tu l'auras après. Vas-y, pose-toi, soulage-toi ton gosier. Faut que tu sois bien torché si tu veux que je te passe dessus. Mais ouais, t'inquiète, tu seras pas déçu. Une fois que tu t'endors, on te fout à Walpé. On te prend en photo, on va sur eBay. Et là, on te met aux enchères à frais cher. 1€ la mise, ok, c'est parti. T'es passé sur internet. T'es passé sur internet. Hey, écoute ça. Yeah, c'était la soirée des mille et une nuits. Racontée par Pixie, le beau parleur.